Il existe dans le sud de la France un groupe de vieux potes presque amis depuis l'enfance. Tant d'années à déconner les uns sous les que leur amitié sent, pour ainsi dire, blindée. Quand au quotidien je vois tant de gens qui se font déjà chier quand t'arrives 40 ans, ça me donne pas envie de vieillir. C'est clair que j'ai pas envie de finir comme tous les pops devant la télé, à mourir avant l'âge, avant l'heure, avant le dernier soupir. Mais en les regardant vivre, je me dis qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir m'ennuie. Écoutez tous, il y a de l'espoir. On ne finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Écoutez tous, il y a de l'espoir. On ne finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Écoutez tous, il y a de l'espoir. On ne finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Écoutez tous, il y a de l'espoir. On ne finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Semaine, ses apéros, ses poufs entre amis, ses soirées vidéo, un petit pique-nique à l'ancienne. Et ça rigole tous les week-ends. Être jeune dans sa tête, c'est des conneries. Faut jamais oublier que rire, ça fait partie de la vie. Et bien souvent la monotonie tue dans l'œuf tous les plaisirs et les envies. C'est vrai qu'avec 5 semaines par an, c'est difficile d'être heureux tout le temps. Mais je vous jure que le train-train quotidien les a pas tués et ça s'en rend serein. Il y a de l'espoir, on finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Écoutez tous, il y a de l'espoir, on finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Écoutez tous, il y a de l'espoir, on finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Écoutez tous, il y a de l'espoir, on finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Il y a de l'espoir, on ne finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Écoutez tous, il y a de l'espoir, on ne finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Tous, il y a de l'espoir, on ne finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Écoutez tous, il y a de l'espoir, on ne finira pas tous en pantoufles sans oser les miroirs. Écoutez tous, il y a de l'espoir. Oh, oh, oh.